battant des cités, modifiant ce décor, détruisant vos pensées. Guérilla urbaine, guérilla urbaine, guérilla urbaine, guérilla urbaine. Guérilla urbaine, fait trembler les gens, nos luttes quotidiennes seront sans précédent.